Maman chérie, au connaît moi même, mais à l'heure qu'il est, moi à moi bien changé. Dis maman chérie, au connaît moi même, mais à l'heure qu'il est, moi à moi bien changé. L'homme te fait craindre, nous te vivons très bien, mais à l'heure là, mes chéris pas s'arrêter. L'homme te fait craindre. Non te vive très bien, mais à d'ici là, mes chéris pas s'arrêter. Dis maman chérie, on connaît moi même, mais à l'heure qu'il est. Moi à moi vin changé. Si maman chéri, ou connaît moi même, mais à l'air qu'il est, moi à moi vin changé. L'aile te fait grimper, non te vive très bien, mais à l'air si là, mes chéris pas s'arrêter. L'aile te fait grimper, non te vive très bien, mais à l'air si là, mes chéris pas s'arrêter. L'aile te fait grimper, I'm